rap, je vois que les hommes suent que d'écriture. Dans ma banlieue, le foot et le crime dur, je m'évade de ça. Grâce à ma plume, je suis fou d'écriture, on nous salit. C'est à leurs yeux qu'on paraît sale. Une vie de chien, dis-moi avec quoi tu veux comparer ça. Ouais, on s'enterre, mais crois pas que les gens vont sentir. Dans toute la France entière, t'inquiète qu'un jour, ils te la font sentir. J'avance dans la vie comme mon fils qui fait ses premiers pas. Je tombe et me relève, besoin d'aide, on n'y compte pas. On dit qu'on ne porte, me dis pas ça, moi je déconne pas. Maudit passage, et parfois même, bah je rigole peu. Sortir de l'ombre, y'a des étoiles et je fais un vœu. Car l'espérance, c'est tout ce que j'ai, et ce que j'ai de mieux. Les apparences, c'est tout ce qu'on est, comme une pièce dans un jeu. On lance les dés, le destin nous dira ce que l'on veut. Là on remet ça, invite tout le monde. Un vrai médecin, un tir dans l'ombre. Et gratte en scratch comme ça je n'y signe. Tous on s'entraide, seul le génie signe. Notre premier pas, une belle surprise. Tel un maxi kinder, SMKS tu seras surpris. Y'a des maxi qui dorment, j'y te remplace notre épiderme. Bien sûr on sait que ça parle et que toutes ces putes nous épimèrent. Rien à foutre, t'es trop pillable. Que je marche en billet, une chose est sûre, pas prêt de plier. Calife avec le rituel, en planque dans une petite ruelle. C'est le tir de l'homme qui plombe, et tant pis si c'est cruel. Les gens sont surpris, les croyants à coup surpris. La hurcrie, c'est surgerie, je me casse sans que la chemise sur grille. Encore une fois, pour ce freestyle, on est un bon nombre. Et je suis pas le seul rappeur qui paiera plus vite que son nombre. El Hombre, Seigneur El Calife, 35160. Je baisserai pas le Lacoste, pourtant je vois bien que t'insistes, blaireau. Encore le son est lourd, c'est tir de l'homme numéro 2. Man, faut que ça tourne, je veux pas tes mères vu leur odeur. Ouais, on mise sur ce CD, mais c'est pas encore sorti. À l'arrache, je peux t'assurer, y'a même des morceaux sans titre. Je gratte mon dernier 8, mais ce projet faut pas qu'il dorme. Si t'écoutes, mets les watts, encore je répète que l'équipe cogne. Toujours féroce dans les textes, c'est plus qu'automatique. Je paiera pour le plaisir, j'attends pas que tombe la pluie. J'suis en pleine enquête, un peu comme Freddy Tracy. Et précieuse est la piste, les jours où le bic est précis. Et dans nos poches, pas de pièces pour mettre dans un monnayeur. Mais toujours en quête, mec, de trouver des mots meilleurs. Si t'apprécies le son, bouge ta tête de l'avant jusqu'à l'arrière. Car on fait kiffer les frères de la Bretagne jusqu'à l'Ariège. Je précise que Malo assure derrière ses machines. Car les MC fascinent sur un beat qui assassine. Encore une prod de Malo, et l'équipe remet le couvert. Y'a plus de monde dans la marmite, hey mec, ça fait péter le couvert. Big up au WS qui s'est bougé le cul pour son projet. En force ou en finesse pour passer là où les pros gênent. C'est trop jeune autour de nous, alors on embellit. On tire dans l'ombre, on touche, on tue, mais pas comme dans Belly. On t'emmène en balade pour tes tapants, c'est la cure auditive. Et dès le premier pas, tu sens bien que c'est la cure au dance style. I did my first rhymes, UK lyrics in France. Got them launched in translation like Kevin Spacey. I wanted to write and hip hop was the key. Underground was the rule, without a doubt I agreed. I'm unknown and I'd like to succeed a bit like non-fiction or Jedi mind. We all wanna rise to the top, fuck the mainstream. That's the spirit, Michael Climate is the name of the team. Don't you forget it, Michael Climate is the name of the team. Mongo's a short out of the shadow. Depuis un moment, j'ai du mal à trouver le sommeil. Alors je passe mes nuits à gratter des feuilles. Fini le temps où je rêvais de pagodes chinoises. Dans un monde qu'aurait pas le goût de chimère et où les jeunes trouveraient goût de chinoise. Je dois t'avouer que j'innove avec tir de l'ombre, engrainé par Chilom. Sans être saoulé comme ces gens dans l'alcool qui part goût de chinois. Victime d'un parcours sinueux. À cette allure, toutes les routes payent pas vers Rome. Alors tu décomptes, la mienne approche la taille de Rome. La vie me latte, à l'usure, juste homme en deuil. Je profite de rien, pendant chaque date on peut caner. J'ai bombat dans l'ensemble, je parais damné. C'est là que ça se gâte et se prend en boucané. On court pour éclore, pas pour faner. La somme tous la veulent, moi j'en collerie de ces ânes battés. Pas la galerie que je viens épater, on a le talent et puis le doigté. À coup sûr de l'ombre et l'étincelle. Un truc différent dans leur soupe, je viens mettre mon grain de sel. Lâche la plume, ça t'est venu il y a deux heures comme une envie de pisser. On se casse le cul sans hacher de l'aise pour pas fléchir comme un tibia de cissé. Génération tour de passe-passe, ni vu ni connu, je t'embrouille. Élevé entre les barges, les pétasses et les gens troubles. Fais le second tir et sûrement pas le dernier coup. Si t'as l'oreille sous l'arde, appelle-nous tavernier. Ouais, je reste hip-hop dans ma façon d'être. Ouais. Façon de tête que sans lui, je suis perdu comme un chien qui a pas son maître. C'est le marathon. Pas de 100 mètres, tout le monde dans les poches veut 100 mètres. Je m'en bats d'être riche, j'essaye d'être fort sans l'être. Les choses les meilleures sont souvent les plus simples. Mais j'évolue comme un contorsionniste de plus en plus souple. Et sache que de leur autorité mes scarlas s'en battent. On sait qu'on sert pas que dalle comme un cheval sans pattes.